بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوان شاء الله que ses éloges et le salut soient sur son messager, notre prophète Mohammed, ses compagnons et l'ensemble de ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous continuons bi'ithnillah notre lecture de la conférence du noble cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari intitulée « Mahiya al-Salafiyya »« Qu'est-ce que la Salafiyya ?» Et nous allons essayer, incha'Allah, de terminer et de clôturer cette lecture aujourd'hui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans cela. Nous avions abordé déjà un certain nombre de points et de chapitres qui avaient été abordés par le Shir. Les deux derniers portaient premièrement sur le statut religieux, la valeur religieuse du suivi de la salafia, de la voie des salafs salih, des pieux prédécesseurs. On avait dit donc que c'était obligatoire. Puis nous avions également parlé du fait de s'y affilier. On avait parlé du fait de s'y affilier, de se réclamer de cette voie-là, de s'y référer. Et nous avons dit également que c'était obligatoire et qu'il était obligatoire également d'accepter cela de celui qui s'y affilie. Et nous avions également mentionné un certain nombre de mérites et de vertus qu'il y a dans le fait de suivre cette noble voie qui n'est autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et aujourd'hui donc nous allons continuer en abordant premièrement quelques traits caractéristiques de cette voie bénie qu'est la salafia. Nous avons clarifié précédemment la voie droite, que quiconque emprunte est sauvé. Tandis que celui qui la délaisse s'est égaré et vautré dans l'ignorance. Et la demande de protection est auprès d'Allah. C'est pour cela que cette voie et cet appel béni ont forcément des caractéristiques évidentes, dans le sens qu'elles sont claires. Donc des caractéristiques évidentes qui leur sont propres. En résumé, elles ne sont autres que celles de la voie et du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Donc parmi les signes distinctifs et les particularités de cette voie et de ce prêche béni, nous pouvons citer premièrement la concrétisation de l'adoration d'Allah azza wa jal. Deuxièmement, la concrétisation de l'exclusivité du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, et c'est le troisième point, l'observance de la compréhension des pieux prédécesseurs basée sur les preuves religieuses et l'absence de dérogation à cela. Quatrième point, la méfiance et la mise en garde vis-à-vis de l'innovation et des innovateurs. Cinquième point, le juste milieu de celui qui suivra cette voie entre l'exagération et le laxisme. Entre l'exagération et le laxisme. Sixième point, sixième signe distinctif, sixième particularité de cette voie et de ce prêche béni, la fermeté sur la vérité. Septième point, le vif intérêt porté à l'union et l'harmonie sur et par la vérité. Huitième point, le rejet de la division et de la divergence. Neuvième, l'attention portée à la recherche de la science utile et à sa propagation parmi les gens, ainsi que leur appel à lui, en patientant sur les désagréments que cela peut comporter. Et enfin, dixième point, la mise en œuvre de cette science. Donc tous ces points-là sont autant de signes distinctifs et de particularités de cette voie et de ce prêche béni qu'est Salafiyya, la Salafiyya. Et ces caractéristiques, chers bien-aimés, leurs preuves sont très nombreuses pour celui qui médite les textes des deux révélations, ainsi que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves qui les réunissent, un noble hadith que nous avons déjà mentionné et qui n'est autre que celui de l'Irbad ibn Sariyah, radiallahu an, qu'Allah l'agré, que nous avons donc vu plus d'une fois. Et il y a un grand profit à tirer de cette répétition-là. Al-Irbad ibn Sariyah a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donna une exhortation qui fit frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons donc dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc une recommandation. Il dit alors, je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous gouverne est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Je vous recommande donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés, mordez-y à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvelles, car toute innovation est un égarement. Analysons donc, qu'Allah te bénisse, les enseignements à tirer de ce hadith concernant les caractéristiques de la voie salafite. Il s'y trouve la recommandation de la crainte d'Allah. Et ce lorsqu'il a dit « Je vous recommande la crainte d'Allah ». Celui donc qui la réalisera, concrétisera l'adoration d'Allah, ce qui nous renvoie au premier point. Il y a aussi la recommandation du suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, lorsqu'il a dit, je vous recommande donc ma sunna et la sunna des califes, bien guidés, donc ma sunna. Et dans la réalisation de cela, la concrétisation de son suivi, ce qui renvoie au second point. Il s'y trouve également la recommandation et l'ordre de se conformer à la sunna des califes bien guidés. Et dans l'application de cela réside l'observance de la compréhension, l'observance de la compréhension des prédécesseurs. Dans ce hadith, il y a la mise en garde contre les innovations. La prise en compte de cela implique la vigilance quant aux innovations et leurs adeptes. Donc à la fois être sur ses gardes vis-à-vis de l'innovation, mais également des adeptes de l'innovation, des innovateurs. À retenir également que celui qui est fidèle à la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, sera sur la voie religieuse du juste milieu, entre l'exagération et la négligence. Nous trouvons également dans ce hadith la mise en garde contre la division et la divergence blâmable, et ce dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Celui donc qui se conformera sera à l'abri de nombreux désaccords. En outre, cette orientation prophétique inclut de manière explicite et implicite l'ordre de l'harmonie et de l'union sur la vérité conformément à sa parole. Je vous recommande donc ma sunna jusqu'à ce qu'il ait dit « Mordez-y à pleines dents ». Et il est connu, cher bien-aimé, que l'application de ces principes-là et la mise en évidence de ces repères ne sont possibles qu'à travers la science religieuse bénéfique. C'est pour ça que parmi les derniers points qui ont été mentionnés, il y avait l'attention portée à la recherche de la science utile et à sa propagation parmi les gens. L'imam Ibn Taymiyyah disait « Le bien, le bonheur, la piété et la perfection résident dans deux choses, la science utile et l'œuvre pieuse. » Fin de citation. Parmi les preuves, chers bien-aimés, évoquant ces signes distinctifs ou certains d'entre eux, nous pouvons également citer la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit « Munibina ilayh, wattaquuhu wa aqimu s-salah, wa la takunu min al-mushrikin, min al-nazina farraku dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. » Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les polythéistes. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Certes, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et les versets sont nombreux dans ce sens. Donc dans le sens de ce qui a été mentionné dans ces quelques versets, à savoir donc le fait d'être unis et de ne pas être divisés. Ce qui nous montre donc que parmi les signes distinctifs, les caractéristiques et les particularités de la voie prophétique, de la voie des pieux prédécesseurs, c'est l'union sur la vérité et le rejet de la division. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit: vous savez que parmi les grandes règles qui constituent le fondement de la religion, l'union des cœurs, l'unité du discours et la bonne entente mutuelle. Puis il cite certains versets et dit: ainsi que d'autres textes qui appuient ce sens et qui ordonnent l'unité et l'harmonie et réprouvent la division et la divergence. Et les adeptes de ce fondement sont les gens de l'unité. Al-Jama'a, quant à ceux qui en dérogent, ils sont les gens de la division. Fin de citation. Et il a dit dans un autre passage: c'est pour cela que les membres du groupe sauvé ont été décrits comme étant les gens de la sunna et de l'unité. Al-sunna wal-jama'a. Et ils représentent la grande majorité. Tandis que les autres groupes sont les adeptes de l'aberration, de la division, des innovations et des passions. Et aucun parmi eux ne peut rivaliser avec le groupe sauvé. Ne parlons même pas d'atteindre son rang. Il se peut même que certains d'entre eux soient dans la plus grande minorité. Quant à la devise de ces groupes, elle est la dérogation au livre, à la sunna et au consensus. Voilà leur devise. La devise de tous ces groupes donc qui sont égarés, c'est quoi? C'est la dérogation au livre, à la sunna et au consensus, c'est-à-dire l'accord unanime des compagnons. Également donc parmi les preuves, après avoir cité donc cette parole de Ibn Taymiyyah, le Cheikh mentionne également ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah agrée pour vous trois choses et il en réprouve trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et il réprouve de vous les ondits, l'abondance de questions et la dilapidation de l'argent. L'imam Ahmed a rapporté en plus de cela dans le Musnad, donc une variante de ce hadith, dans lequel il rajoute: et que vous conseillez ceux à qui Allah a confié vos affaires. L'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit de ce hadith dans At-Tamhid: il s'y trouve l'incitation au cramponnement au câble d'Allah en situation d'union et de bonne entente. Et le câble d'Allah dans ce contexte est sujet à deux explications: le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le groupe. Et il n'y a pas de groupe, tout en sachant qu'il n'y a pas de groupe sans imam. Et pour moi, donc, c'est-à-dire pour Ibn Abdel Barr, elles sont proches l'une de l'autre, étant donné que le livre d'Allah ordonne d'être unis et interdit d'être divisés. Puis, il mentionna certains versets que nous avons déjà rappelés. Ibn Taymiyyah a dit dans Minhaj al-Sunnah, pour éclaircir l'expression câble d'Allah, pour l'expliquer, Il a dit son câble a été expliqué, ou son câble a été expliqué comme étant son livre, sa religion, l'islam, la sincérité du culte, son ordre, son pacte, son obéissance, le regroupement. Et tous ces saints sont relatés d'après les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Et ils sont tous justes, car le Coran appelle à la religion de l'islam. Et ceci est son pacte, ainsi que son ordre, son obéissance. Et le fait de s'y cramponner tous ensemble ne peut se réaliser qu'avec le regroupement. Quant à la religion islamique, c'est la sincérité du culte pour Allah. Fin de citation, l'imam Muhammad ibn Abd al-Barr disait concernant ce hadith, donc le hadith apporté par, recensé par l'imam Muslim, ainsi que l'imam Ahmed, il n'est aucune faille qui ne se crée dans la religion des gens ou dans leurs affaires mondaines sans que cela ne provienne de la transgression à ces trois choses ou à certaines d'entre elles. De la transgression de ces trois choses ou certaines d'entre elles. Quelles sont ces trois choses? Donc, il y avait donc le fait d'adorer Allah et de ne rien lui associer, de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas être divisé, et également la réprobation des ondis, ou plutôt, excusez-moi, donc le conseil qui doit être donné à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié nos affaires. Donc à la fois, il y a dans ce hadith donc l'ordre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rejet de l'association, le shirk, et également le fait d'être unis, cramponnés tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser, et également, et c'est ce qui est visé par la parole de Muhammad ibn Abdel Wahhab, d'être de bons conseils envers ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié nos affaires. Également parmi les preuves à mentionner est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Fatiha lorsqu'il dit « Ihdina s-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, waladdallin. » Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas celui de ceux qui ont encouru colère, ni celui des égarés. L'imam ibn al-Qayyim a dit dans Irafatul Lahfan, cette voie droite qu'Allah nous a ordonné de suivre est la voie qu'ont emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est cela le but ultime. Et ce qui en diverge fait forcément partie des voies égarées. Et leur égarement peut être accru, tout comme il peut être infime. Et entre ces deux stades, il est des degrés que seul Allah peut dénombrer. En somme, la situation est similaire à un véritable chemin. Car il se peut que celui qui l'emprunte s'en écarte de manière prononcée, tout comme il se peut qu'il n'en déroge que très peu. Quant au critère qui permet de différencier le bon suivi de la dérogation à cette voie, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Quant à celui qui en déroge, c'est soit un exagérateur injuste, soit un savant, auteur d'un effort d'interprétation qui a commis une erreur dans cette interprétation-là, ou encore un suiveur ignorant. Et tout cela a été réprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reste donc plus que le suivi et le cramponnement à la sunna autour de laquelle gravite la religion. Fin donc de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Celui donc qui sera fidèle à la salafie et authentique avec science et justice sera dans le juste milieu, préservé des groupes de la perdition et de l'égarement, étant donné que la vérité est dans une voie médiane entre deux égarements. L'imam Al-Awza'i a dit « Il n'est pas un ordre qu'Allah a donné sans que Satan ne cherche à le contrer par deux choses, sans regarder par laquelle des deux il parviendra à ses fins, l'exagération et le laxisme. L'imam Ibn al-Qayyim a dit: Allah n'a pas donné un ordre sans que Satan n'y ait deux entrées, l'excès et l'exagération, la négligence et le laxisme. Et peu lui importe par laquelle des deux il réussira à gruger le serviteur, car il se présente à son cœur et le teste. S'il y trouve de la négligence, de la lassitude, un penchant vers la paresse et les permissions, alors il l'attaquera par cela, en le décourageant et en le laissant inactif, en le frappant par la paresse, l'inactivité et la lassitude, en lui ouvrant les portes de fausses interprétations et de l'espérance et autres, à tel point qu'il se peut que le serviteur délaisse totalement ce qui lui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Si par contre il voit en lui de l'attention et du sérieux, de l'effort et de l'éveil, il désespérera de le piéger par ce moyen. Il lui insufflera alors de redoubler d'efforts, en lui faisant croire que cela ne te suffit pas, ton ambition est au-dessus de ça, convient que tu sois meilleur que les autres, ne dors donc pas lorsqu'il dort, et ne rompe pas lorsqu'il rompe, c'est-à-dire le jeûne. Et ainsi de suite dans l'exagération et la transgression des limites. Ainsi, il le pousse à exagérer et à aller au-delà de la voie droite, de la même façon qu'il l'incitait le premier à ne pas l'emprunter ou à s'en approcher. Et son but avec ces deux types de personnes est de les faire sortir de la droiture. Le premier en l'empêchant de s'en approcher et le second en le poussant au-delà de sa limite. Et la plupart des hommes ont été éprouvés par cela. Et ne peut en sauver qu'une science profonde, enracinée, une foi et une force permettant d'y faire front. De même que rester fidèle à la voie du juste milieu. Et c'est d'Allah que nous demandons l'aide. Et le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en expliquant le juste milieu des gens de la sunnah, Ahl Sunnah, dans son livre Al-Aqida Al-Wasitiyya, il a dit: de la même manière, ils sont dans le juste milieu concernant l'ensemble des domaines de la Sunnah, car ils sont fermement attachés au livre d'Allah et à la Sunnah du messager d'Allah et à ce sur quoi étaient unanimes les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Fin de citation. Continuons donc à citer certains traits caractéristiques de la voie salafite et à citer leurs preuves. Donc on avait dit qu'il y a le fait d'être ferme sur la vérité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient: Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens, les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et il a dit également, subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. حذيفة رضي الله عنه قال الأغري disait, donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: le sommet de l'égarement et que tu approuves ce que tu réprouvais, et que tu réprouves ce que tu approuvais, et prends garde à l'instabilité dans la religion car la religion d'Allah est unique. Et cette parole de Hudhayfa a été rapportée par Al-Barawi, de même que par Al-Bayhaqi et Al-Lalaka'i et d'autres. Également dans ce sens, il se peut que vous vous rappeliez de la position de l'imam Ahmed, l'imam des gens de la Sunna, qui fut offensé dans le sentier d'Allah et qui resta ferme malgré tout. Il se fit flageller et torturer dans la voie d'Allah et ne dérogea en rien la parole de vérité. Et également, nous avons comme exemple l'imam Ibn Taymiyyah qui subit également des préjudices pour la cause d'Allah et qui malgré tout resta ferme. Être inflexible dans la vérité fait donc partie des qualités inhérentes à cette voie et à ses avisés et fidèles adeptes. Et par Allah, cela apparaîtra avec évidence pour quiconque lira ses biographies et observera le parcours des pieux prédécesseurs. Parcours donc la vie de l'imam Muhammad ibn Ahmed ibn Sahl al-Ramli, ce modèle d'imam, qu'Allah l'agrée. Il fut offensé pour la cause d'Allah, et quelle offense! L'imam al-Dhahabi a dit dans son livre Siyar Alam al-Nubala, au cours de sa biographie, il a dit donc que Al-Hafidh Abu Dharr disait en narrant la vie de Muhammad ibn Ahmed, que nous venons de mentionner, il a dit le gouvernement de Banu Ubaid l'emprisonna et le crucifia alors qu'il était sur la Sunna. J'ai entendu Ad-Darqutni le mentionner en pleurant. Donc Abu Dharr, Al-Hafidh Abu Dharr, raconte qu'il a entendu Ad-Darqutni mentionner l'imam Muhammad ibn Ahmed ibn Sahl al-Ramli, le mentionner en pleurant. Il disait alors qu'il se faisait torturer, Kana dhalika fil kitab mastura, cela a été écrit dans le livre. Et le fait qu'il répétait ce verset prouve donc qu'il croyait fermement au destin d'Allah et à son décret. Ibn al-Akfani a dit, après avoir cité l'histoire de sa torture, tout en sachant que c'est un juif qui le tortura, et que ce bourreau juif s'affligea même de son supplice, à tel point qu'il éprouva de la compassion pour lui, et plaça la dague sur son cœur, et l'acheva par pitié. Ibn al-Akfani rajouta, il fut donc torturé, empaillé, et crucifié. Il fut donc crucifié pour son attachement à la Sunna. Qui donc peut endurer ce qu'il endura? Donc c'était encore un exemple du fait d'être ferme et inflexible dans le suivi de cette voie, qui est la voie des pieux prédécesseurs. L'imam Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait et parmi ceux qui prouvent que les gens du hadith sont sur la vérité, le fait que si tu parcours l'ensemble des livres qu'ils ont écrits, du premier au dernier, de l'ancien au récent, aussi différent que soit leur pays et époque, et aussi éloigné que puisse être leur contrée, et malgré le fait que chacun habite dans un lieu différent, tu les trouveras dans l'explication de la croyance sur un seul et même modèle, suivant une seule et même ligne de conduite de laquelle ils ne dérogent pas, et de laquelle ils ne s'éloignent pas. Leur parole à ce sujet est unique. Leur œuvre aussi. Tu ne trouves pas entre eux divergence ou division dans quoi que ce soit. Plutôt, si tu réunissais tout ce que leurs langues ont prononcé et tout ce qu'ils ont transmis de leurs ancêtres, tu te rendrais compte que c'est comme si c'était issu d'un seul et même cœur, prononcé par une seule et même langue. Y a-t-il pas pour la vérité une preuve plus flagrante que cela? Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite donc pas le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il concilia vos cœurs et que par son bienfait vous êtes devenus frères. Le shir de l'islam, une taïmie, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: tu verras que les adeptes de la spéculation, donc les adeptes de la spéculation qui ont délaissé les enseignements du Coran et de la Sunna et qui se sont orientés vers la logique et leur propre raisonnement. Donc tu verras que les adeptes de la spéculation sont ceux qui changent le plus d'avis et qu'ils vont même jusqu'à affirmer une parole dans un contexte et à affirmer son contraire dans un autre, voire à excommunier ceux qui disent la première. Cette est une preuve d'absence de certitude, car la foi, comme l'a dit César lorsqu'il questionna Abu Sufyan à propos de ceux qui se convertirent à l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: est-ce que parmi eux il en est qui délaisse sa religion par désapprobation après avoir adhéré? Abu Sufyan répondit non. Et il dit alors: telle est la foi, lorsque sa douceur se mélange au cœur, personne ne s'en lasse. Et c'est dans ce sens qu'un salaf disait, et il se peut que ce soit Omar ibn Abdelaziz ou un autre: celui qui fait de sa religion un sujet de controverse changera sans cesse d'avis. Quant aux gens de la Sunna et du Hadith, je n'en connais aucun parmi leurs savants ou parmi les pieux de leur masse qui ait délaissé ce qu'ils disaient ou croyaient. Ce sont plutôt les gens les plus endurants dans cela, même s'ils sont éprouvés par toutes sortes d'épreuves et déstabilisés par différentes dissensions. Et ceci est la situation des prophètes et de leurs suiveurs parmi les anciens, comme les gens d'Al-Ukhdoud et leurs semblables, tels que les salafs de cette communauté parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, et autres que parmi les imams. Et de manière générale, la fermeté et la ténacité chez les gens du hadith et de la sunna est largement supérieure à celle que l'on trouve chez les gens de la spéculation et de la philosophie. Enfin, pour terminer, nous allons aborder donc maintenant la conclusion qui contient certaines paroles éblouissantes portant sur le sujet. Après ce bref tour d'horizon de ces quelques principes sunnites, il est obligatoire à l'individu qui souhaite sauver sa personne et la libérer d'être fidèle à ce qu'il contient comme ordre, de se cramponner à la sunna et à l'ordre premier, qui n'est autre que la voix des pieux prédécesseurs de la communauté. Allah a dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque aspire à Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et je profite de l'occasion pour ajouter aux paroles qui ont précédemment été citées des imams comme ordre et exhortation au suivi scrupuleux de la voie des pieux prédécesseurs, certaines citations éblouissantes et limpides qui constitueront un rappel, vu que le rappel profite aux croyants. Parmi cela donc, il y a ce qu'a dit Omar ibn Abdelaziz à un de ses valets qui le questionna au sujet des passions. Il lui écrivit donc en disant: ceci dit, je te recommande la crainte d'Allah, la justesse dans l'application de ce qu'il ordonne et le suivi de sa sunna ainsi que de celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que le délaissement de ce que les innovateurs ont ajouté après ce dernier dans ce au sujet de quoi sa sunna était connue, le dispensant d'un quelconque effort. Suis donc la sunna, car elle est pour toi, par permission d'Allah, une protection. et sache qu'aucune innovation n'a été instaurée par les gens sans que ne l'ait précédé ce qui prouve sa fausseté. Car la sunna n'a été instaurée que par celui qui connut ce que contenait son opposé comme erreur, fourvoiement, bêtise et complication. Accepte donc pour ta personne ce que les croyants ont accepté pour eux-mêmes, car ils sont les devanciers, car ils se sont arrêtés avec science et lucidité. Et ils étaient certes plus forts dans la connaissance des choses et de leurs valeurs. Et si la guidance est ce sur quoi vous êtes, alors vous les y avez devancés. Et si tu dis que ceci est apparu après eux, sache que cela n'a été ramené que par ceux qui ont suivi autre que leur voie et se sont détournés d'eux. Quant à eux, ils ont certes suffisamment parlé de ces sujets et les ont décrits de telle manière qu'ils sont une guérison. Ceux qui ne les suivent pas sont négligents, tandis que ceux qui cherchent à les dépasser sont dans l'exagération. En effet, certains ont été négligents et ne les ont pas suivis et sont tombés dans le laxisme, tandis que d'autres ont cherché à aller plus loin qu'eux et sont tombés dans l'exagération, alors qu'eux sont sur une voie droite. Fin de citation donc de cette parole de Omar ibn Abdelaziz, rapportée par l'imam Al-Ajurri dans Al-Sharia, et d'autres parmi les savants de l'islam. Également la parole de l'imam Muhammad ibn Muslim Al-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: ceux qui sont passés parmi nos ulama disaient: l'attachement à la sunna est une protection et la science est vite reprise. C'est donc par elle que perdure la religion et la vie mondaine, tandis que lorsqu'elle disparaît, tout cela disparaît aussi. Rapporté par Darimi dans As-Sunan. L'imam Ibn Hibban, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'introduction de son recueil authentique, Sahih Ibn Hibban: il y a dans l'attachement à la sunna le vrai salut et le plus grand honneur. Ni ses lumières ne s'éteignent, ni ses arguments ne s'épuisent. Celui qui y est fidèle est protégé, tandis que celui qui la contredit est pris de regret, vu qu'elle est cette forteresse impénétrable et ce pilier immuable dont le mérite est établi et les liens solides. Celui qui s'y attache fermement aura triomphé, alors que celui qui cherchera autre qu'elle périra. Ceux qui s'y fient sont ceux qui auront trouvé le bonheur dans l'au-delà et sont les enviés parmi les hommes dans l'immédiat, dans cette vie d'ici-bas. Également l'imam Ibn Qudama disait dans son livre Dham al-Muwaswasin: et dans la suivi de la sunna, il a la bénédiction d'être en accord avec la religion, de l'agrément du Seigneur et de l'élévation en degré, ainsi que la quiétude du cœur et le bien-être du corps. Il s'y trouve aussi la frustration de Satan et le suivi du droit chemin. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: le plus proche des chemins menant à Allah est l'attachement à la sunna, et y être conforme de manière apparente et cachée, faire constamment preuve d'indigence face à Allah, et rechercher uniquement sa face dans les paroles et actes, et personne n'est parvenu à l'agrément d'Allah sans ces trois choses, de même que personne n'en fut privé sans qu'il ne s'en soit tout ou partie détourné. Et cela a été dit par lui dans son livre Al-Fawa'id, les méditations. Également, l'imam Ibn Rajab Al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Il a dit: la meilleure des sciences concernant l'explication du Coran et du Hadith, ainsi que le licite et l'illicite, est ce qui a été rapporté des compagnons, et ceux qui les ont suivis parmi les deuxième et troisième générations, jusqu'à l'époque des imams connus de l'islam, faisant office de référence, comme nous en avons déjà nommé. Maîtriser ce qui est rapporté d'eux en cherchant sa compréhension et en s'en instruisant compte donc parmi les meilleures des sciences. alors que les longues discussions qui sont apparues après eux ne comportent que très peu de biens et d'intérêts, hormis ce qui pourrait constituer un commentaire d'une parole liée à la leur. Quant à la plupart de ceux qui sont en opposition avec leurs paroles, il est soit vain, soit inutile. Il n'est donc pas de vérité dans les propos de ceux qui sont venus après eux, sans qu'ils ne se trouvent dans les leurs, et ce de la manière la plus résumée qu'il soit. Et il n'est pas de parole fausse, sans qu'il n'y ait dans leurs propos la démonstration de leur fausseté pour celui qui cherchera à la comprendre et à la méditer. Il réside également dans leurs propos des sens sublimes et des argumentations précises vers lesquels ceux qui leur ont succédé n'ont pas été guidés et dont ils n'ont même pas connaissance. Celui donc qui ne puise pas la science de leurs propos sera privé de tout ce bien et se vautrera dans le faux proportionnellement au retard qu'il accusera dans leur suivi. De plus, celui qui souhaite résumer leurs paroles devra savoir différencier ce qui en est authentique de ce qui en est faible, et ceci par la connaissance du domaine, du blâme et de l'éloge, et des imperfections. Donc le blâme de l'éloge, c'est ce qui concerne donc la critique positive ou négative des rapporteurs de ces hadiths et de ces narrations, et des imperfections des narrations. Quant à celui qui ne connaît pas cela, il n'est pas fiable dans ce qu'il rapporte. Et ce qu'elles contiennent de vrai se mélange dans son esprit à ce qu'elles contiennent comme faux. Or, à notre époque, il est obligatoire de recenser les paroles des imams qui font office de référence parmi les salafs, et ce, jusqu'à l'époque de Shafi'i, d'Ahmed, de Ishaq et de Abu Ubaid. Et que l'individu soit sur ses gardes vis-à-vis de ce qui est apparu après eux, car après eux, beaucoup d'incidents sont survenus. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est ainsi que se terminera cette conférence et sa traduction. C'est donc à Allah que je demande, par ses noms et attributs parfaits, de nous assister dans ce qu'il aime et agrée, et de nous rendre bénis où que nous soyons, et de nous affermir sur l'islam et la sunna, et qu'il nous reprenne vers lui, alors que nous ne sommes pas pris dans la tentation, et qu'il nous compte parmi les pieux. Il est certes généreux et noble, et certes il entend et exauce. Et qu'Allah fasse les éloges, salue et bénisse le messager d'Allah, ainsi que sa famille, ses compagnons, et ceux qui les auront suivis dans l'excellence jusqu'au jour de la rétribution. Et la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est ainsi donc que se terminent les paroles du Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.